Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Bien, bonjour à tous et bienvenue à Radio Gemozo pour une nouvelle émission des Jeunes. Les Jeunes. Bon, ça c'était l'année dernière. Hein. Il faut se mettre à la page là un petit peu. Hein. Donc c'est les Jeunes. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oui. Oui. Alors aujourd'hui nous avons quelqu'un avec nous, mais nous allons d'abord commencer par la chanson mystère. Alors la semaine dernière c'était... Moi ? Non, c'était Laurette qui l'avait choisie, c'était Lily Allen. Voilà, et cette semaine, donc, c'est notre invité qui a choisi la chanson, donc on l'écoute tout de suite. Oui ! Ouvrez vos oreilles. Les oreilles, c'est quoi ? I love the smell of napalm in the morning. Smell of like... Victory. Voilà, c'était la chanson Mystère. Alors, vos impressions ? Bien, moi. Voilà, Gabriel aimait. Les autres Pas Didi. Bon, ils n'ont pas trop d'avis. Hein. Bon, c'était sympa. Ça bouge. Au moins, ça vous a peut-être réveillé un petit peu. Non. Non. Non plus. Bon. Alors, on va demander à notre invité du jour de se présenter un petit peu. Voilà. Donc, c'est à moi. Donc, je m'appelle Léonard. Donc, je suis stagiaire à l'IRTS de Nancy. Hein. Donc, j'ai fait une licence de philosophie que j'ai validée en 2017. Et j'ai travaillé 3 ans à l'EREA d'Épinal en tant qu'assistant d'éducation. Donc, c'est une SECPA avec un internat. Donc, je faisais tout ce qui était activité éducative et internat et vie quotidienne. Et vous pouvez dire l'IRTS, c'est quoi ? Donc, l'IRTS, c'est l'école régionale des travailleurs sociaux. Donc, c'est une grande école qui forme tous les travailleurs sociaux en Lorraine. Et vous, vous faites quoi comme formation ? Donc, je suis en formation d'éducateur spécialisé. Donc là, je suis en première année. Donc, je fais mon premier stage à l'IME Clermatin de Saint-Amé. Voilà. Merci, Léonard. Alors, vous, par contre, est-ce que vous avez des questions à poser à Léonard pour le connaître un petit peu mieux ? Ah, Camille, alors prends le micro devant toi. Voilà. Vas-y, Camille. As-tu un animal ? Je n'ai pas d'animal chez moi parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Hein. Où tu habites ? Donc, j'habite à Golbey, près du Domino's Pizza et de l'ancien Bricorama. Mmh, c'est bon, pizza. Ouais, ah, voilà. Et il y a des promotions le mardi soir, en plus. Ouais. S'il te plaît, et c'est pizza. Quoi, il fait des choses. Écoute, vas-y, Camille, continue. Quelle est ta couleur préférée ? Donc, ma couleur préférée est le rouge. Et comme moi ! C'est le rouge. Oui, ensuite ? Fais-tu des sorties ? Alors, généralement, je sors le week-end. Donc, généralement, quand il fait beau, j'ai une moto, donc je me balade en moto. Je fais des soirées. Mon papa, il monte au papa. Tout autre type de soirée, en général. Le week-end, je suis souvent en vadrouille. C'est en partie pour ça que j'ai pas d'animal. Quoi, moto, ça ? C'est cool, la moto. Attends, tu dis ? Reste une question. Vas-y. Fais-tu des repas en famille ? Ça m'arrive, mais comme je suis souvent en vadrouille le week-end, c'est assez rare, finalement. Les autres, est-ce que vous avez envie de poser Corinne, je peux dire la question que je t'avais dit hier ? Bah vas-y, Camille. As-tu des frères et sœurs ? Je n'ai pas de frères et sœurs. Enfant unique. Enfant unique. Oh. On se passe bien. Elisa. Rien ? Est-ce que les autres, vous voulez poser une question à Léonard ? Réfléchis, Corinne. Non. Non. Sauf leur nom. Zinedine, est-ce que tu veux lui poser une question ? Non. Non, tu n'as pas ? Camille, tu en as encore ? Non. Non ? Je n'en ai plus. Bon. Bah, c'est bon, alors Léonard. Hein. Alors, on va commencer avec les sujets qui ont été préparés lundi. Qui veut commencer ? On va commencer par les infos, donc. Hein. C'était Camille. Camille, elle nous avait apporté pas mal d'infos lundi. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Oh, elle est là, Camille. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui t'a... Je crois me souvenir que Camille, la dernière fois, elle n'a pas regardé la télé. Et là, elle a dit qu'elle avait... On voit qu'elle l'a regardée. C'est bien, c'est bien. Les infos, en tout cas, à la télé. C'est ouais, bien. Il a galé ça, bon. Chut. Vas-y, Camille. Une inondation dans le sud. Oui. Et l'ouest. Dans le Gard, t'avais dit ? Ah oui. Et puis, alors, tu avais dit quoi, suite à ça ? En dessous, là, oui. Là. Oui. Un homme disparu en cours. Hein. Sauvetage le. Au cours d'un sauvetage, oui. C'est ce que tu as dit. Oui. Et puis après, la tu as parlé des... Les conséquences des inondations. Rien, tout allait bien, le meilleur des mondes. Est-ce qu'il y en a qui peuvent parler des conséquences des inondations? Christopher, arrête, s'il te plaît. Je ne sais plus, Corinne. Alors, il y a de l'eau partout, l'eau monte, tout. Puis quand l'eau se retire, tout est intact, tout est normal, tout va bien. Non, ah, je ne sais pas. Ah oui, continue. Là. Donc, réfléchis à ce que Corinne dit. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau s'en va? Qu'est-ce qui reste dans les maisons? De l'eau. De l'eau, puis quoi? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'eau? La boue. La boue. Tu as pas vu ça? Non. Non, t'as pas vu? J'ai pas vu. Donc tu nous avais quand même dit qu'il y avait eu des routes coupées, tu te rappelles de ça? Oui. Des gros dégâts matériels. Non, t'avais pas dit tout ça? Si. Et que l'eau, elle avait monté de combien, t'avais dit? 500. 500. 500 quoi? 1000. Ah. Ah, c'est compliqué, hein, de savoir ça. C'était combien, Corinne? Ben, elle avait dit 5 mètres en 2 jours. Moi, ça me paraissait beaucoup, quand même. Hein. C'est... Bon, j'avais entendu les... qu'il était tombé, au niveau de la pluie, l'équivalent de 3 mois de pluie. Quoi? Ça, c'est ce que j'avais entendu. Après, dire que ça a monté de 5 mètres, Camille... C'est certains cours d'eau. Pas 5 mètres partout, mais certains cours d'eau. Parce qu'avec le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut, ça faisait 5 mètres. Parce qu'il y avait les ponts. Il me semble que j'avais vu ça, moi, rapidement. Léonard, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'avoue que je regarde pas trop les infos, du coup, j'ai pas trop suivi l'histoire-là. Oui, parce que Léonard, il nous disait qu'il avait pas de... J'ai pas de télé chez moi. Voilà. Donc, du coup, je m'informe un petit peu sur Internet, mais j'avais pas vu passer l'information. Pourquoi il n'a plus de télé? Pourquoi il n'a plus de télé? Bah oui, Léonard, pourquoi tu n'as plus de télé? Bah, disons que j'ai un ordinateur chez moi, et je ne ressens pas le besoin d'avoir une télévision, elle me sert pas, donc du coup, j'en ai pas. Voilà. Une télé, moi. Vous avez tous des télés? Oui. Oui. Pas Didi. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous n'en aviez pas? Maman puteuse. Ah, sur Internet? Ou à la télé? Pas télé. Ensuite, alors, on avait demandé, alors, justement, par rapport à ce que Camille avait dit, à Nicolas, puisque lundi, on était en SVT au collège, et qu'on avait parlé de ce sujet-là. Léonard m'en était témoin. Des inondations. Je confirme. Donc, Nicolas devait nous en parler un petit peu. Voilà. Voilà, Nicolas. Non. Nicolas, tu en as parlé lundi? Oui. Alors, rappelle-toi ce que tu as dit, puis tu dis la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des inondations? L'eau, elle vient d'où? Elle sort d'où? Ben, il serait content, le prof, hein, s'il était là. Hein? Oui. Elle vient d'où, l'eau, Nicolas? Du canal. Du canal? La mer. Des fleuves, des rivières. Des fleuves, hein? Les fleuves. Ouais, les fleuves. Les fleuves, c'est plus gros que les rivières. Oui, c'est gros. Et les taux. Donc, l'eau sort des fleuves, ça déborde. Mmh. Et ça recouvre les terres. T'es là, Nicolas, ce oui. matin? Oui. Oh, je sais pas. Donc, toi, tu nous avais dit, par contre, que tu avais vu aux infos qu'il y avait eu 5000 foyers inondés. Sans quoi? Sans l'électricité. Oui. Et qu'au niveau des pompiers, il y avait eu, bon, on ne va pas dire le nombre, hein. Est-ce qu'il y avait eu une, deux, trois interventions? Voilà, j'attendais le mot. Beaucoup d'interventions des pompiers. Est-ce que les autres, vous avez vu ça? Non. Non. Et puis télé-maison. Toi, tu n'as plus de télé. Christopher, est-ce que toi, tu avais regardé les infos télé. Ce week-end? Non. Non. Pourquoi t'as pas regardé? Mais pas la radio, alors. Je n'ai pas regardé. Bah, la radio, t'as la télé. T'as pas la télé chez toi? Si. Si. Mais alors j'avais pas besoin des infos. Ah, t'avais pas envie. Tu savais que tu venais pas en préparation radio lundi, alors t'as pas regardé. Ouais. Tu comptais sur les autres. Non, c'était pas là, moi. Hein. Bah oui, t'étais pas là lundi, mais t'es là aujourd'hui. Oups. Bah oui, oups. La télé. Alors ensuite, il y a Camille qui a poursuivi en nous racontant les... Là, oui. Ou un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Oh, il a bougé. Ça a bougé, oui, Zinedine. Oui. Qu'est-ce qui a bougé? Et quoi? Ah ouais, t'es bien comme ça. Mais ça non, mais prends le micro, Zélie. Ouais. Quand il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui bouge? Bah, tu montres, c'est quoi ça? C'est temps de bouger. Non. C'est quoi? Rien. Bah, elle peut bouger aussi, la table. Hein. Oui. Ça dépend aussi de l'intensité. Ah hein. Oui. Ah. Oui. Est-ce que c'était un fort tremblement de terre? Oui. Oui. Ah, tu l'as vu? Zinedine, est-ce que tu l'as vu aux infos? Oh. Tu l'as vu ou pas? Oui, non? Oui, oh oui. Bah, faut pas que ça t'embête de répondre, surtout, Zinedine. Hein? Oui. Oui, tu l'as vu? Oui. Mais alors, est-ce que ça bougeait beaucoup? Oui. Oui? Oui. Camille? Non. Non. Non. Oui, non, voilà. Ils ont raison. Ah, en ça, quelque sorte. C'était pas énorme non plus. Le premier était fort et puis le deuxième moins fort. Bon, on a raison, nous deux, disons. Oui. Et ce sont les maisons qui bougent. Ah ouais, des vieilles maisons. Ouais. Oui. Les tables, elles sont dans les maisons. Oui. Hein? Mais ça bouge aussi. Oui. Oui. Alors, c'était où, Camille, au fait? Le Var. Nardèche, c'est ça? Ah oui. Et c'était la nuit. D'accord. Donc, vous imaginez, les gens, ils dorment, et d'un seul coup, ça bouge. Ça doit être impressionnant, non? Oui. Vous n'auriez pas peur, vous? Si. Si. Si, hein. Oui, écoute. Christopher. Oui. T'es avec nous, Christopher? Oui, j'écoutais. T'écoutais? Alors, qu'est-ce que ça te ferait, toi? Ton lit, il bouge comme ça, la nuit. J'aurais peur, hein. T'aurais peur ou pas? Moyen. Moyen? Ouais. Si ça bouge beaucoup, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir de la maison. Ah oui, bien sûr. Faut pas rester à attendre, hein. J'attends, moi. Non. Si. Bah non. Si. Elle a cassé mes os? Si. T'attends quoi? Que maman vienne te chercher? Oui. Ah oui. C'est bon pour les infos? Oui. Non. Si? Oui, non? Non. Alors on va faire la première pause et on va passer la chanson, celle que vous avez. Moi. Celle de Nicolas. Bah allez, Nicolas. Un peu musique, hein, moi. Ah, pas aujourd'hui, Gabriel. La prochaine. Voilà, c'était la chanson de Nicolas. C'était qui, Nicolas? Bass Bost. Bass Bosted. Musique mix. Je connais pas. Allez, au revoir, Didi. Méchant Didi. Il est là, moi. Bon, on peut s'écouter, Gabriel? Oui. Voilà. Bon, alors, ensuite... je vous avais posé la question, que voit-on en ville en ce moment? Que se prépare-t-il? Les décos de Noël. Voilà. Le sapin de Noël. Voilà. Donc les magasins sont en pleine décoration. Et les maisonnettes. Les maisonnettes. Les maisonnettes. Oui, maisonnettes. Les maisons, maisonnettes. Oui, près du sapin, là, t'as pas vu? Ah, toi, tu parles, je pense, du marché de Noël. Oui. C'est ça? Oui, on est arrivé à l'émission. Ah, ça y est, à la Bresse, ils les ont mis? Oui. Ah, oui. Tu vas y aller, alors, voir un petit peu ce qu'ils vendent et tout? Peut-être, ça dépend. Oui? Bon, aussi, il faut y aller, Christopher. Tu vas pas m'obuser, quand même. Moi non, je ne vais pas t'obliger. Il n'y a plus de sapin à la maison. Il n'y a plus de sapin à la maison. Ah. Il y en a des uns qui ont fait leur sapin à la maison. Non. Moi, je ne peux pas mettre. Tu peux pas? C'est trop petit et à cause des seins, je ne peux pas. À cause des chats? Oui. Ah bah oui, les chats, ils doivent sauter après pour attraper les boules et tout. Ouais. Bah oui, quel beau terrain de jeu, le sapin. Et puis cadeau, et puis cadeau. Il n'a plus de cadeau? Non. Ah oui, dis, si tu ne mets pas un sapin, il n'y aura pas de cadeau. Non. Bah, tu ne mets même pas des guirlandes après les fenêtres ou... Si. Ah si, quand même. Ouais. Pas sapin, non? D'accord, non, c'est qui le permet. Et les autres, sauf Zinedine, mais Camille, vous l'avez fait chez vous? Non. Non, et Nicolas? Non. Non plus, la Marion. Boutin, pas Didi. Non, je le ferai à la Saint-Nicolas, comme tous les ans. À la Saint-Nicolas. Et Christopher? Encore bientôt, normalement. Encore? Et Léonard? Non, je ne l'ai pas fait. Non. Est-ce que tu vas en faire un, au moins? Non, je ne pense pas. Ben j'ai voilà. Pas d'enfant, donc... Comme ça, c'est clair. Et Régine? Si, je vais en faire un. Ben et voilà. Toi, Corinne? Oh oui. Non, pourtant, pas Didi, pas Tado. Parce que Zinedine, dans sa culture, on ne fête pas Noël. Pas cadeau, voilà. Non. Si, si, on a quand même des cadeaux. Voilà. Hein? Allez, ça, Zinedine. C'est important, ça, les cadeaux. Oui. Hein? Non. Parce que c'est la fin de l'année et il faut se donner un peu de lumière. Ah oui. Hein? Ouais. Quand même joli, les décorations. Non. Si. Et puis, alors, est-ce que vous savez où vous allez faire Noël? À maison. Moi, je sais. Toi, c'est à la maison. Oui. Toi, Camille. Chez ma maman. Chez ta maman. En vacances. Alors, toi, tu as dit que tu allais où? En vacances. Oui, mais où? Dans le nord. Dans le nord, dans le voilà. Nord. Ouais. Christopher. À la maison, comme d'habitude. Oui, et Léonard. Alors, dans la famille au Val d'Ajol. Val d'Ajol, Régine. Chez moi. Ah. Et toi, Corinne? En famille. En famille. Marion. Normalement, le 24 chez moi et le 25 chez ma tante. Mais rien n'est encore défini. Voilà, et Christopher? Chez moi. Chez toi. Donc, credo. Et puis alors, bien sûr, on va demander à Zinedine. Oh on ne va pas lui demander où le il va faire Noël. On va lui demander où sera-t-il. Oh, alors. Chargez devant. Alors, Zinedine, la semaine avant les vacances de Noël, il vas-y. S'en va. Enfin, tu vas où? Monsieur. Alors, vas-y. Zinedine, tu essayes d'articuler. Tu vas où? En Algérie. Oui. Voilà. Oh là là. Alors ça, c'est un beau voyage. Hein. Mmh. Est-ce que tu vas... non, tu vas pas manger le micro. Est-ce que tu y vas en voiture, avec le bateau, ou alors... En avion. Ouais, bien. Oh. Alors, est-ce que tu es content de prendre l'avion? Non. Pourquoi non? Il y a la clé. Lâche le micro. Il y a des gars de clé. Lâche le micro. Tu veux regarder la télé? Toi, tu veux regarder la télé? Oui. Il y aura peut-être la télé dans l'avion. Non. Pourquoi non? Si. Et on ne crie pas dans le micro. Non, mais... non. Si. Gabriel, c'est Zinedine qui parle. Non. Non. Tu as déjà pris l'avion, Zinedine? Non. Non. Ah, c'est la première fois. C'est une découverte. Hein. Et je crois que... Mais t'entends? Formidable, tu vas voir. Zinedine? Non. Parle, Gabriel. Non. Est-ce que les autres, vous avez déjà pris l'avion? Non. Non. Non. Non. Alors Zinedine, quand il reviendra au mois de janvier, il pourra vous raconter comment c'était l'avion. Oh non. Ben si. Arrête avec le micro, Zinedine. Mmh. Voilà. Donc tu pars avec qui, Zinedine? Ta soeur. Tu sais avec qui tu pars? Avec oui. Ouais, maman. Avec maman. Ouh. Et qui? Pétain. Descends. Ta sœur? Oui. Nasrine? Oui. Oui, et puis qui? Monsieur. Bah, tes frères, ils s'appellent comment? J'aimerais que tu... Merci. Samy et... Bébé. Conseil. Ouais. Karim. Oui. Voilà. Et puis... Oh non. Il y a qui encore qui vient avec vous? Tonton. Tonton. Tonton? Oui. Non. Non. Il n'y a pas papy et mamie? C'est... Merci, papy, maman. Allez, c'est bien, tu seras entourée pour le voyage, hein, Zinedine. Zinedine. Oui, oui. Tu sais, quand on vient à la radio, c'est pour parler, Zinedine. Hein. Ça y est, j'ai... Hein. Donc, attends, Zinedine, j'ai encore une question. Quoi ? Est-ce que tu as vu des photos de l'Algérie ? Non. Est-ce que tu sais un petit peu comment c'est ? Non. Non. Est-ce que tu sais c'est où ? Est-ce que tu as regardé sur la carte du monde ? Non. Non. C'est tout. Tu n'as pas regardé ? C'est en Afrique du Nord. Oui. Oui, oui, oui. Alors, quand on sera au collège, je te montrerai sur la carte. Oui, oui. Hein, que tu vois. Oui. C'est doux. Et puis là-bas, c'est des superbes paysages aussi. Hein. Tu n'auras pas froid, parce qu'il ne fait pas froid. Il fait chaud. Donc, ça va avoir les 25 degrés à peu près. Oh, parfois, il fait froid. Les nuits, de la neige, hein, oui. Les nuits, ouais, sont fraîches, oui. Ça c'est sûr. Hein. Ça dépend où il va. Hein. Bah oui, ça je sais pas trop. Oui. Donc un beau voyage en perspective. Oui, oui, oui. Tiens, moi j'aimerais bien venir aussi. Tu m'emmènerais ? Ah non, non, tu veux moi pas. Moi si. Vas-y. Si, tu m'emmènerais. Si, moi aussi. Moi aussi. Oh, mais il y a pas comme. Quoi ? Faut que tu penses à emporter des petites choses pour faire dans l'avion, Zinedine. Toi, tu prends des feuilles, des feutres pour t'occuper, dit. Toi. Non, non mais tu vas pas manger tout le trajet. Hein, c'est pas ça, Zinedine. Quoi ? Les yaourts. Je sais même pas si t'auras un repas, hein, tu sais, sur un voyage de 3 heures. Non, hein. C'est pas des grandes distances, hein. Oui, mais sinon, ils donnent pas... Non, non. Voilà, il y a pas... Sinon, ce qu'il faut acheter, c'est assez cher. Donc voilà, pense à apporter quelques occupations, hein, pour le voyage. Des seins. Et puis quand tu seras là-bas, t'essayes de prendre des photos et tout pour nous montrer quand tu reviendras. Mais une photo, moi. Et puis si c'est possible, une petite carte postale, ça serait bien. Ah oui. Ouais. Hein. Ouais. Oui. Oui. Tu nous enverras une carte. Oui. On espère, hein. Oui. Hein. Oh. Combien de temps, c'est dit? Tu sais quand tu pars? Moi. Il part la semaine avant les vacances de Noël, là. Ah oui. Ouais, on est en vacances en même temps, Zinedine. Oui. Il part la semaine là. Ah oui. Et ils partent 15 jours. Oui. Puis après, il aura une semaine pour se remettre quand il va revenir. Puis après, il revient à Liébeu. Oui. Voilà. Donc, tu es déjà en train de préparer tes valises? Oui. Oui. Oui. C'est toi qui prépares ta valise, non. C'est maman. Oui, bien sûr, c'est maman. Bien sûr. Toi, tu veux rien emporter de spécial en Algérie? Rien, moi. Non. Rien. Oui. Et tu vas avoir des cousins, tout ça là-bas. Ouais. Cousins, des tontons, oui. Les tatas. Tonton, tata est méchant. Gabriel. Tu les connais pas. Si. Gabriel. Gabriel. Chut. S'il te plaît. C'est bon, Zinedine? Oui. Ouais, il est content. C'est fini, c'est passé. Oh, on a raté. Alors, on va passer la chanson à Christopher. Moi. C'était qui? Maître Gims. Voilà, allez, pour toi. Et après, on espère que tu vas être un peu plus bavard. Hein. French, it's Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She love to hear it beat. I love her from my head to her feet. She my sweet, sweet. Warm hearted, hot French missus, French kissing, and she got that French dip. I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Don't you got your quarters on skipping? Corazon, au revoir. Dis-moi pourquoi tu fuis, toi, qu'est-ce que je suis? baby, come on, allez-vous. Roll coupe like a freestyle top off the roof. I'm a noob, you know the yacht like a cruise ship. Beats what Rory Diamonds freezing on my dudes and lion face. I'm talking about a 100 links. Tattoos, big beards, Osama cake. Hey, a brother like peers. Multi-millionaires for 20 years. But really though, 24K gold solid through my city flow, did he know? Fresh vanilla on our rock, on our rock. I'm making melon do the bop. Bottom of the pot, or the top and the bottom, from the bottom to the top. Yeah. And you know what I'm on. Grind all night, count money in the morning. Là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête, toujours là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête, toujours là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête, toujours là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, pour toi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait. Tu vas, non, non, ne t'en vas pas, mi corazón, corazón, corazón. Ça, c'est intéressant aussi. C'est reparti. Oui, oui, oui, oui. Non, mais on trouvait que c'était intéressant et je me disais, bah, pourquoi pas en parler là. Non. On était en train de parler. Cadeau. Des. Cadeau. E-R-E-A. Et comme Léonard y a travaillé, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu parce que c'est super intéressant. Nous, on a des jeunes qui vont au collège qui ne sont pas forcément concerné par ça, mais tu nous dises un peu en quoi ça consiste le REA. Alors, grosso modo, le REA, donc établissement régional d'enseignement adapté, c'est un établissement, donc c'est une SECPA avec un internat qui s'occupe des jeunes en difficulté sociale avec un léger retard au niveau des apprentissages scolaires. Donc il y a des professeurs, il y a des enseignements, que ce soit en français, en mathématiques, etc. Mais ce n'est pas des profs comme au collège, donc des profs agréés. C'est des professeurs des écoles qui enseignent leur matière, hein, donc mathématiques, etc. Donc ce n'est pas la même formation, c'est des cours simplifiés. Généralement, les enfants qui y vont, c'est des enfants qui ont soit besoin d'être éloignés de leur famille, parce que pour l'internat, soit des jeunes qu'on peut pas mettre ailleurs ou qui ont besoin d'un encadrement spécial. Donc à l'REA d'Épinal, il y a aussi beaucoup d'activités qui sont faites en dehors des cours. Donc il y a musculation, il y a de l'art plastique, il y a des choses comme ça. On les emmène au cinéma, à la patinoire, à la piscine. Donc il y a plein de choses diverses et variées qui sont mises en place pour que les jeunes, pour leur faire découvrir un peu tout ce qui peut se faire. Est-ce que ça veut dire que le programme scolaire est allégé ? Le programme scolaire est très allégé. C'est oui. Pas un programme scolaire normal comme pourraient avoir des collégiens normaux. Est-ce que ça représente moitié du temps ou à peu près Ils ont des temps de classe comme les autres, mais c'est très simplifié, ils ne voient pas du tout les mêmes choses. Ah oui. Mmh. Et puis au niveau de l'équipe qui encadre ? Alors au niveau de l'encadrement, donc, pour tout ce qui est cours, donc, c'est des professeurs enseignants. Donc c'est des professeurs des écoles qui enseignent des matières, art plastique, mathématiques, etc. Au niveau de l'internat, il y a des professeurs éducateurs. Donc c'est un statut qui tend à disparaître au fur et à mesure avec la réforme. Il y a des éducateurs spécialisés et des assistants d'éducation. Donc ils font grosso modo plus ou moins la même chose, mais ça tend vraiment à recruter beaucoup d'éducateurs spécialisés pour justement gérer l'internat et puis les projets éducatifs et tout ce qui est sorties et activités. Alors les EREA, ça dépend de qui ? Donc le EREA dépend de l'éducation nationale. Bon, c'est important de le dire aussi. Y compris l'internat. Y compris l'internat. Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire que oui, des jeunes qui sont en collège peuvent arriver en EREA. Ça peut arriver, c'est une orientation, il faut qu'ils aient le profil, donc c'est-à-dire léger retard au niveau des enseignements. Donc s'ils n'arrivent pas à suivre en classe, et puis généralement c'est des jeunes plutôt turbulents qui arrivent. Donc c'est des classes très allégées, c'est des petits groupes. Oui. C'est des classes de 15-20 maximum et encore. Et puis vous les prenez de quel âge à quel âge ? Donc ça va de la 6e à la 3e pour le collège, mais il y a aussi un lycée avec des CAP. Donc il y a 3 CAP, il y a le CAP menuiserie, le CAP peinture et le CAP APH, donc c'est tout ce qui est entretien des locaux. Donc ça va de 12 à 18 ans. Ah oui. Généralement, bon, les jeunes, ils ont tous quasiment au moins un an de retard. C'est très rare qu'il y ait un jeune qui soit en 6e, qui ait l'âge d'être en 6e. Et puis, est-ce que vous arrivez à les remettre dans le milieu ordinaire à un moment donné ou Ah, c'est pas. Enfin, je veux dire dans les collèges classiques. Hein, pas... C'est très rare. En général, les jeunes qui sont là, ils y restent et après, ils suivent une spécialisation professionnelle, donc que ce soit à l'EREA ou d'autres CAP. Après, ils peuvent tendre vers un bac pro. Il y en a qui réussissent très bien. On a des surprises des fois. Bien. Je connaissais pas trop, moi. Donc, il y a combien de places Moi, je vais parler pour l'an dernier, parce que cette année, je ne sais pas, il y avait un peu plus d'une centaine de gamins, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. Oh, c'est énorme. Ouais. Ouais, après, il y a l'externat et l'internat. Tous les gamins ne sont pas internes. À l'internat, il y a au maximum, s'il y a tous les effectifs, on peut avoir 4 internats de 20 élèves. Mais là, on se tendait plutôt vers 65. Vers 60-65 l'année dernière. Et il y en a beaucoup dans les Vosges, les établissements comme ça ? Alors, des EREA, il me semble qu'il n'y en a qu'un. Donc, il y en a un à Épinal et il y en a un à Flavigny, mais ce n'est pas le même type de public. L'EREA de Flavigny, c'est plus tout ce qui est handicap physique. D'accord. Parce que moi, à un moment donné, j'avais entendu parler de Senon, mais je ne sais pas s'il y a encore. Ou... J'ai pas d'informations là-dessus. Ouais. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est bien d'avoir parlé de ça, parce que. Pour les personnes qui écoutent aussi. Est-ce que c'est un internat ? Non. Être à l'internat, ça veut dire quoi ? Christopher, tu sais ? Être à l'internat ? Bon, Christopher. J'en sais rien, moi. Être en internat, je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est des femmes. Je sais pas. Ben, c'est être dans un établissement et y dormir. Ne pas rentrer à la maison le soir. Ah oui. Tu sais ? Tu sais, toi, Zinedine ? Tu savais ? Non. Camille, tu savais pas ? Non. Est-ce que vous aimeriez aller en internat ? Non. Oui. Christopher, tu aimerais ? Ouais. Ça, c'est bien. Tu te projettes, alors. Mmh. T'aimerais y aller quand ? Un peu plus tard ou... Rapidement ? Je sais pas. Je sais pas. C'est intéressant de savoir ça. Ah oui. Ah oui. Non. Ah oui. Ah oui, faut que j'aime ça. J'ai bu ça. Bien, alors merci à Léonard. Tu nous as éclairé sur les EREA. Hein. Cool, c'est vrai. Cool. Oui. Donc, on voulait en revenir un petit peu là sur Noël. Et quels étaient vos souhaits ? Moi aussi. Pognez-moi. Comment ? Qu'est-ce que tu dis, Gabriel ? Un tas d'eau. Ah oui ? Oui, mais quoi ? Voiture. Une voiture. Et ? Une voiture, une grosse ? Non. Une petite ? Oui. Ah, une petite. Okay. Et Nicolas ? Je sais pas. T'as des souhaits ? Tiens, Marion. Qu'est-ce que tu aimerais pour ton petit Noël ? Moi, j'ai demandé le maillot de l'équipe de France de foot. Vous avez entendu ? Le maillot de l'équipe de France de foot. Bon. Et Christopher ? Moi, je demandais au Père Noël une voiture, mais une vraie voiture. Oui. Mmh. Ouais. Cool, Tu es gourmand quand même, Christopher. Hein ah, donc, Christopher, tu roules dans la cour des grands. Bah oui, maintenant que j'ai le permis, il faut bien que je prenne une grosse voiture. Eh ben oui. Et Camille? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais en particulier? Camille, Grady? Non. Je sais pas. Zinedine, tu t'appelles Camille? Non. Non. Alors tu laisses parler Camille. Tu as demandé quelque chose, Camille? Oui. Pour Noël? Ah. Qu'est-ce que tu aimerais? Des boucles d'oreilles? Oh non. Non. C'est pas des bijoux. C'est pas des bijoux. Vous allez. C'est quoi? Pas de maquillage. Pas de maquillage. Une Barbie. Est-ce que tu crois que Camille joue encore à la Barbie? je sais pas des trucs d'ado. Qu'est-ce qu'il y a comme truc d'ado? Un portable. Non. Nordi. Non. Une PlayStation. Camille, je crois qu'elle joue pas aux jeux vidéo. T'es pas jeu vidéo, toi? Non. Non. Une tablette. Oh, mais non. Tablette, t'en as une. Bah oui. Un maillot de bain. Pourquoi pas? Un maillot de bain? Non. T'as pas demandé d'habits? Des bottes. Mais je sais plus. Un CD. Une dièse. T'as vu, il te donne plein d'idées, Christopher. Oui, c'est bien. Je sais pas, un bonnet? Des gants? D'accord. Des gants. Un vélo? Trottinette? Non. J'en ai déjà une. Ça, c'est une trottinette. Une dièse. Tu as déjà pensé au cadeau que tu aimerais? Oui. Non. Non? Alors, pour la prochaine fois, tu es obligée de savoir, Camille. Oui. Hein? L'argent. Ah, c'est de l'argent. Un petit billet de 100. Hein. Entendu, elle en a assez de l'argent. Vas-y, mais les bébés. C'est pas souvent ça que les gens ils disent j'en ai assez de l'argent. Hein. Profites-en, Camille, dans quelques secondes. Ah, Zinedine, tu veux peut-être nous dire? Alors, oui. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Fêter. Des toupies. Oui. Zinedine, ça fait déjà 2-3 ans que tu n'as pas toujours la même chose. Non. Avoir, un coffre chez toi. Puis Béblé, là. Non, c'est Nana, les joujoux. C'est moins fort. Non. Et Corinne, c'est la région du club. Alors, c'est quoi? Oui, c'est un cousin, moi. Et Corinne, je la rêve au jeu club, mais c'est devant les toupies, Zinedine. C'est des toupies dans un grand cercle comme ça? Oui, c'est des toupies spéciales. Il faut voir le prix, hein. Oui. Ouais, oui, tiens. On va quel sent le truc, hein. Tu en as chez toi? Non. Non. T'en as pas? Non. Ah bah, depuis le temps, arrête avec le quoi? Micro. Quoi? Lâche le micro. Depuis le temps que tu demandes ça. Non? Ton anniversaire, par exemple, t'as pas eu des toupies? Non. Non? Bon. Moi? Tiens, Léonard, est-ce que tu as un souhait Alors moi, j'aimerais un nouveau tatouage. Ah, un tatouage, c'est quoi ça? C'est quoi, Zinedine, un tatouage? Oui, c'est sur la peau, oui. Huc. Un nouveau tatouage. Oui. Où? Où? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Oh oui, je peux le dire. Alors j'ai commencé le bras, donc j'ai tout le biceps et l'épaule de fait, et j'aimerais finir l'avant-bras. Donc ça se passe où alors? Le biceps, l'avant-bras, c'est où, Christopher? Oh non! C'est là? Ah non, non. Là, là! Non. Là, c'est tout. Non. Bien. Bien, je l'ai dit. Bon, ça va, Léonard, il est pas trop gourmand. Ah, hein. Mais c'est deux! Est-ce que ça coûte cher, Léonard, un tatouage? Alors, celui que je veux, il sera entre 500 et 700 euros. Oh! Ouais, c'est énorme, hein. Bah, je vais faire tout l'avant-bras, donc oui, ça sera un gros. Parce que, est-ce que ça, les tatouages, est-ce que ça marche à la surface qu'on fait, ou alors le motif, c'est comment? Alors, le prix varie selon le tatoueur, selon le temps de travail, hein, et le motif, c'est très variable, ça peut aller entre 100 et 200 euros à des milliers d'euros. Pour les plus gros. Zinedine, parce que les tatoueurs, ça marche à l'heure, ça marche comment? Alors, moi, mon tatoueur, on lui donne la pièce qu'on veut, il regarde la surface et il calcule approximativement autant qu'il va mettre. Mais bon, après, s'il met plus de temps ou moins de temps, le prix reste le même quand même. Alors ça, c'est un investissement, Léonard. Hein. Bah, c'est à vie, donc après... Bah oui, oui. Autant mettre le prix et puis avoir un truc correct plutôt que prendre le moins cher et avoir un truc qui nous plaira pas forcément. Ah oui, oui. Moi. Et puis alors, c'est peut-être indiscret. Que représente ton tatouage? Alors ça, c'est la surprise. Hein. Une moto. Une moto. Est-ce que tu crois qu'il va se faire tatouer une moto Ah ouais. Grayou. Alors j'ai déjà un moteur. J'ai déjà un moteur de moto sur le biceps. Hein. Ah. Une voiture. Bravo, Christophe. Ah oui, bien vu. Hein. Oui, bien vu. Mm. Une voiture. Ah oui. Une voiture. Ah oui. On va dire sur la route comme ça, si il fait ça. Alors ça qu'elle va rouler. Ah oui, elle bouge. Il y a d'idées, hein. Alors, de toute façon, ça va être une extension de ce que tu as déjà. Oui, ce sera pour finir le bras complet. Donc là, du coup, mon tatouage, il arrive jusqu'au coude, et là, j'irai jusqu'à la main. Et ça va recouvrir un peu la main, ou... Non, je vais pas recouvrir la main, parce que, si je, veux, parce que je veux pouvoir le cacher pour X ou Y raison, si un jour j'en ai besoin. Oui. Ah oui. Des tas. Et puis, comment dire, quand on se fait tatouer, là, il faut pas trop bouger, quand même. Alors, ça fait mal, et vaut mieux pas bouger, parce que sinon, le tatouage, il est pas droit. Ah, oui. C'est mort, ça. Moi, je pose des questions, parce que j'en ai pas, je l'ai jamais fait, donc je sais pas du tout. Zinedine, est-ce que tu as déjà fait un tatouage? Non. Alors, qui c'est qui t'a dit que ça faisait mal? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a fait un tatouage? Non. Oui. Oui, oui. Ah, qui alors? Qui c'est que tu connais qui a fait un tatouage? C'est pas chez toi alors? Non. Ah. Moi je connais quelqu'un que tu connais qui a fait des tatouages. Ah oui. C'est qui? Qui? Des temps, de qui? Quelqu'un de l'IME. Ah oui. Oh, Pas un jeune, hein? Pas un jeune, non. C'est un adulte. Un éducateur. Alain. Mina. Benoît. Benoît. Oh, Benoît. Il a des tatouages. Non, papa. Oui. Papa à moi. Oui. Ton papa? Ton papa aussi? Bon, on va tout savoir. Là. On va pas demander ce que c'est. On va rester dans l'intimité. Là. Tout sur l'épaule. Ah, le bras aussi. Non, là. Ah, là. Dans le dos. Dans le dos. Oui. Oh, bah, tu peux en faire où tu veux, des tatouages. Oh là, Il y en a qui ont le corps couvert de tatouages. Ça doit être aussi. Ça existe et c'est un sacré budget, mais on peut vraiment en faire partout. Ah oui, oui. Même sur les parties qu'on pense pas forcément d'ailleurs. Bah oui, ouais. Bah dis donc. Je n'en dirai pas plus. Oui, non, mais oui. Donne-moi un tas d'eau, vois-tu? Oui, on a entendu, Gabriel. Oui. Tu le dos. Tu passes encore à ta voiture. Tu dos. Ah, et bah demande à Léonard. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, tu dis le dos. Ah oui, Tu veux savoir s'il a un tatouage dans le dos? Oui. Bah, alors, j'ai un tatouage qui fait à peu près tout le haut du dos, qui part des deux épaules et qui arrive au milieu des omoplates. Oh là là! Ah, alors là, ça part derrière. Ouais, ça fait comme un genre de triangle qui redescend jusqu'en dessous des omoplates. Ah bah dis donc! C'était mon premier tatouage, il a duré 2 séances de 5 heures et j'avais 20 ans quand je l'ai fait. Et ça bouge pas avec le temps? Non, pas trop. Bon, après, c'est le soleil qui abîme beaucoup les tatouages, mais du coup, mon dos, il est rarement au soleil. Hein. Oui, bah oui, oui. Ouais. Ouais. Après, ça vieillit toujours un petit peu, un tatouage. C'est bien quand on reste tel qu'on est. Si un jour, par exemple, tu maigris, ça va faire un peu... Sur le dos, ça choque pas trop, c'est plus sur le ventre. Si j'ai pas trop de ventre au moment où je me fais un tatouage dessus, puis que je prends, je sais pas, genre 30 kilos d'un coup, là, effectivement, ça risque de le détendre. Ouais. Mais sur les bras et le dos, je me suis renseigné, on m'a dit que c'était pas vraiment un problème. Oh, non! Eh ben, on a appris des choses aujourd'hui avec Léonard, hein. Oui. Hein? Oui. Est-ce que ça vous donne envie de vous... Non. Non. Ah ben, Mario, elle dit oui. Christopher. J'en ai déjà, donc... J'en ai déjà deux aussi, donc... Ah, alors, vous êtes pourvus. J'en ai cinq, donc, hein? Ah, cinq. Oh là là. Et Régine. Ah non. Voilà. Moi non plus. Non. Voici un dos. Donc vous aimeriez pas. Non. Même non. Là, un tout petit là de 2-3 cm. Non. Pourquoi? Même pas. Aïe. Ah toi c'est parce que ça fait mal. Ah oui. Ah oui, on a compris alors, Gabriel. Non, ça dépend des zones. Et de la sensibilité de chacun. Voilà. Ah oui. Lily. Bouge à moi. Eh ben c'était très intéressant tout ça. Au revoir. Les émissions ne durent pas assez longtemps, des fois. Ah ouais. Il y a un petit creux de creux au début, puis là, voilà. Ça... Ah ouais. En tout cas, Gabriel, on va déjà remercier Léonard d'être venu avec merci nous. Léonard. Merci, Léonard. Hein? Merci de m'avoir accueilli. Et puis, on te souhaite une bonne continuation dans ta formation. Merci. Encore 2 ans. Encore 2 ans. Ouais. Eh oui, hein. Oh, au revoir. Au revoir. Il y a la relève qui est là. Ouais. Tu veux bien t'asseoir, Zinedine? On n'est pas parti là encore. Hein. Il est parti, Zinedine. Ah. Ah ouais. C'est le signal, ça. Oui. Regarde-le. Oui. C'est bon? Oui. Oui. Eh bien, on va dire à tout le monde à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et passez une bonne journée. Oui. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux.